Abba en achifu, siti mugala, baba en amushe, baba en achifu, siti mugala, baba en amushe, baba en achifu, baba en achifu, siti mugala. Pambisha, tina zonke, tina baba enafuna. Oh, tina pambisha, tina pambisha, tina zonke, tina zonke, tina baba enafuna. Oh, tina pambisha, tina pambisha, tina zonke, tina zonke, tina baba enafuna. Tina pambisha, tina zonke. Baba enafuna, tina pambisha, tina zonke, tina baba enafuna, oh tina pambisha, tina pambisha, tina zonke, tina zonke, tina baba enafuna, oh tina pambisha, tina pambisha, tina zonke, tina zonke, tina baba, tina baba enafuna. Tina pambisha, tina zonke, tina baba enafuna. Tina pambisha, tina zonke, tina baba enafuna. Oh, tina pambisha, tina pambisha, tina zonke, tina zonke, tina baba enafuna. Oh, tina pambisha. Tina zonke, tina zonke, tina baba enafuna. Tina pambisha, tina zonke, tina baba enafuna. Tina pambisha, tina zonke, tina baba enafuna. Oh, tina pambisha, tina pambisha, tina zonke, tina zonke, tina baba. Tina baba enafuna. Oh, tina pambisha, tina pambisha, oh, tina